Comment penser le changement ? Il y a un problème philosophique qui peut surprendre et qui pourtant est peut-être le premier problème de toute la philosophie, le premier problème même historiquement de la philosophie en général, c'est le problème du changement. Pourtant, quoi de plus évident que le changement ? Nous le voyons tout le temps, nous voyons tout le temps des choses qui changent, aussi bien dans nos vies que dans le monde et dans l'histoire. Comment reconnaître la société de 2022 par rapport à celle même de 2021 ? Qu'est-ce qui va se passer encore en 2022 ? Quel changement va-t-il y avoir au fil du temps, au fil des années, avec des changements tout à fait évidents dans l'ordre du monde, dans l'ordre des choses ? Pourtant, le changement n'a rien d'évident, il semble même tout à fait impossible à penser et même contradictoire avec notre pensée. C'est la contradiction qui semble définir le changement dès qu'on veut le comprendre, dès qu'on veut le penser, et cela pour une raison simple, parce que le changement semble supposer qu'une chose doit être à la fois elle-même et son contraire, doit avoir une propriété qui pourtant se transforme dans la propriété opposée. Par exemple, un être qui doit être à la fois petit et grand puisqu'il était petit et qu'il a grandi, un être qui doit être à la fois vivant et mort puisqu'il était vivant et qu'il va mourir, un être qui doit être à la fois une chose et son contraire au fil du temps et au fil du changement. Le changement, c'est donc la contradiction. Comment un être peut-il être une chose et le contraire de cette chose sans disparaître, sans se détruire constamment lui-même ? Le changement est donc une contradiction, au moins avec l'idée de l'être et au moins avec la forme de notre pensée. C'est pourquoi le changement est le premier problème philosophique. Dans l'histoire de la philosophie, c'est même l'irruption de la philosophie entre deux grandes figures pré-socratiques, deux grands Grecs restés dans l'histoire pour la manière dont ils ont affronté la contradiction du changement ou la contradiction entre le changement et notre pensée. L'un d'entre eux s'appelait Parménide. Parménide, c'est lui qui a écrit un grand poème philosophique sur l'être et sur le non-être, sur l'être et le changement. Il disait justement « seul l'être est, le non-être n'est pas ». Et donc, si l'être est, alors il ne peut pas se détruire, il ne peut pas se transformer et il faut penser la réalité seulement sous la forme de l'immuable. Le changement alors passe du côté du néant, du côté du non-être, du côté non pas même du devenir, mais de ce qui n'existe absolument pas. Et Héraclite, son adversaire, celui avec lequel on l'a constamment opposé, eh bien Héraclite, c'est celui qui arrive à la même conclusion, mais par des voies opposées, qui nous dit « nous ne nous baignons jamais dans le même fleuve, et pourtant il y a la réalité de ce fleuve, la réalité de cette eau qui change tout le temps. C'est donc le changement qui est réel, mais impensable. Nous vivons dans la contradiction. Toutes les philosophies ont eu à surmonter l'antinomie, la contradiction entre Héraclite et Parménide. Penser le changement, c'est le défi de la science moderne, c'est le défi de la philosophie contemporaine, c'est le défi de la vie aujourd'hui, car le changement est réel et il faut pourtant admettre qu'il y a des choses qui subsistent, qu'il y a même des êtres qui continuent, que la continuité est peut-être le soubassement caché de tous les changements, sans exclure pourtant les transformations pour le meilleur ou pour le pire, la véritable opposition n'étant peut-être pas entre le changement et l'immuable, mais justement entre la destruction et la création.